How many of you were blessed by this morning session, the first session? Combien d'entre vous étaient bénis par la session de ce matin? And that is what I want us to go over. Et j'aimerais qu'on revoie ce qu'on a vu ce matin. Right. I noticed that during the first session, j'ai remarqué que parmi la première session, there were times when there was a lot of talking. Il y avait des moments où les gens parlaient beaucoup. And some of them, I thought it was because you couldn't hear the verse, or maybe the verse was not mentioned, and you were asking around. Parfois, je me demandais si c'est parce que vous n'avez pas entendu le verset et vous demandiez à votre voisin. But I realized that I've not mentioned any verse, but you are still talking. Mais j'ai remarqué que je n'ai pas encore mentionné de verset, mais vous parlez toujours. So it means that talking is part of your nature. Donc ça veut dire que le parler fait partie de votre nature. And we must make sure we don't talk when Bishop is talking. Et nous devons nous assurer de ne pas parler alors que l'évêque parle. It's very important that as much as possible be quiet. Il est très important que nous soyons calmes et tranquilles, silencieux. When it's time to laugh, you must laugh. Autant que you can possible. Laugh. Quand il est temps de rire, il faut rire. To shout. Quand c'est le temps de crier, il faut crier. To clap. Acclamer aussi, il faut acclamer. Most of the time when he is talking, you must be quiet. Mais la plupart du temps quand il parle, il faut être silencieux. Because every single word that comes from him has the power to change your life. Parce que chaque parole qui sort de sa bouche a la capacité à changer votre vie. And you cannot afford to miss certain moments. Et vous ne pouvez pas vous permettre de rater certains moments. Many of you have traveled very, very, very long to be here. La plupart d'entre nous ont voyagé longtemps pour être ici. And you need to get everything you must get. Et vous devez tout saisir. Avant de partir. So tell your neighbor that I will not allow you to disturb me this evening. Dis à ton voisin, je ne permettrai pas que tu me déranges ce soir. Français. En français. Oui. Je ne te permettrai pas de me déranger ce Amen. Soir. So let's take our notes. Donc nous allons prendre les notes. And this morning in the first session, Bishop taught us about our destiny. Et pendant la session du matin, l'évêque nous a enseigné sur notre destinée. And I think it's very important because you need to know where you are getting to. Et il est très important pour nous de savoir où on va. Many people don't have any vision for their lives. Beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie. Shepherds, pastors, Christians, many Berger, people don't have. Pasteurs chrétiens, beaucoup n'ont pas de vision. And when you don't have a vision for your life, et quand vous n'avez pas de vision pour votre vie, you settle for anything. Vous acceptez n'importe quoi. And most of them will not be in the will of God. Et la plupart d'entre ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. So we are excited to have how many? 10 very powerful, targets. Donc nous sommes bénis d'avoir 10 objectifs puissants. And that the scripture he read, the opening scripture, was found in Isaiah chapter 60. Le verset d'ouverture se trouve dans Isaïe 60. Verse 21. Thy people shall be all righteous. They shall inherit the land forever. Il n'y aura... The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Il n'y aura plus que des gestes de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. A little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. And a small one, a strong nation. Et le moindre, une nation puissante. I, the Lord, will hasten it in his time. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. And so this set the stage for the description of our destiny. Donc c'est ça qui nous a permis de décrire notre destinée. And what was the first point Bishop gave us? Quel est le premier point que l'évêque nous a donné? What? Le plus petit deviendra un millier. A little one shall become a thousand. Amen. Le plus petit deviendra un millier. So that is a very important first vision. C'est une vision, une première vision très importante. And this one alone means that you can never rest till you die. Et ce point veut dire que vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à votre mort. It means as you sit here, alors que vous êtes assis ici, your destiny is a thousand. Votre destinée c'est de devenir un millier. Amen. And that word a thousand is not just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 900, 999, 1,000. Et le millier ici ne veut pas dire compter de 1 jusqu'à 1000. Yes. That is not the vision. Ce n'est pas ça la vision. When we say a little one shall become a thousand, quand on dit que le plus petit deviendra un millier, it means that we shall count you in thousands. Ça veut dire qu'on va vous compter dans les multiples de mille. I said we shall count you in thousands. On va vous compter dans les multiples de mille. And that is what you must believe God to be. Et vous devez croire à Dieu pour cela. And Bishop gave us a very, very important warning. Et Dieu nous a donné un avertissement très important. That the plan God has for us, que le plan que Dieu a pour nous, or the plans, the thoughts God has for us, ou les projets que Dieu a pour nous, are unbelievable. Sont incroyables. I said unbelievable. Je dis incroyable. And that if you can imagine it, then it means it's not of God. Donc si vous pouvez l'imaginer, ça veut dire que ça ne vient pas, ce n'est pas de Dieu. As you sit here, if you can imagine how your future is, then it's not really what God wants you to be. Donc, alors que vous êtes assis, si vous pouvez imaginer votre avenir, c'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Or you should expect God to do more than you can imagine. Ou vous devez attendre à ce que Dieu fasse plus que vous ne pouvez imaginer. All you have to do is to believe. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire. But even though your church has 20 members now, donc bien que votre église a 20 membres, your destiny is 1,000. Votre destinée, c'est plus de 1,000. That is the first thing. Ça, c'est la première chose. That it, no matter the size, peu importe la taille, we are going to start counting your church members in thousands. Nous allons compter vos membres par les milliers. 3,000. 3,000. 4,000. 4,000. So those of us whose churches are in 20s and 40s and 100 and 120 must understand that you are going to enter into unbelievable dimensions. Donc ceux qui ont des membres de 20, de 40, de 50, faut croire à Dieu de entrer dans des dimensions incroyables. Amen. And the next, number two. Point numéro deux. The second thing about your destiny is that you are destined to be conformed to the image of your uncle. Sorry. Vous êtes destiné à vous conformer à l'image de votre oncle. You are destined to be conformed to the image of your pastor. Vous êtes destiné à vous conformer à l'image de votre pasteur. Whose image are you destined to be conformed to? Vous devez être destiné à conforme à l'image de qui? Are you believing God to achieve that target? Est-ce que vous croyez à Dieu pour atteindre cet objectif? That is one more reason why you cannot rest. C'est encore une raison de plus que vous ne pouvez pas vous reposer. This is part of God's great plan for our lives. Ça fait partie des grands projets de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. And Bishop read from Romans 8. Et l'évêque a lu du livre de Romains chapitre 8 verset. For whom he did foreknow, 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Whom he did foreknow, qu'il a connu d'avance. Yes, God knew you in advance. Dieu vous a connu d'avance. So you did not bring yourself. God brought you here. Donc vous n'êtes pas venu, c'est Dieu qui vous a amené ici. He saw you when you were born. Il vous a vu lorsque vous étiez né. And his plan for you was that you should become like his son. Et son projet pour vous, c'est de devenir comme son fils. How many of you are believing God to be like Jesus? Combien croient à Dieu pour devenir comme Jésus? That is the destiny you should be looking forward to. Donc ça c'est la destinée que vous devez chercher pour votre vie. Your prayer life, your Bible study life, your ministry, everything, your spiritual life votre vie should de prière, be aimed at that particular picture. Votre vie de prière, votre vie de méditation doit être visée vers cette destination. And how does Christ look like? What is the image of Christ? Quelle est l'image de Christ? Revelation 5 verse 12. Apocalypse, lips. 5 and verse 12. 5:12. Saying with a loud voice. Well, let's read verse 11. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000. I feel that will be how we are going to count somebody's church. Je crois vraiment que nous allons vous compter aussi par des milliers et de milliers. 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. 10,000 fois 10,000 et des milliers de milliers. Receive that destiny for your ministry. Recevez cette destinée pour votre ministère. And what were these angels saying? Et qu'est-ce que ces anges disaient? Verse 12. Worthy is the Lamb. Verset 12. That was slain. Digne est l'agneau qui a été immolé. To receive power. Et digne de recevoir la puissance. And riches. La richesse. And wisdom. La sagesse. And strength. La force. And honor. L'honneur. And glory. La gloire. And blessing. Et la louange. That is how you are going to become. Et vous serez comme ça. I said that is how you are going to become. Vous serez comme ça. Power. La puissance. You are going to walk in power. Vous allez marcher dans la puissance. You are not going to be a powerless shepherd. Vous ne serez plus un berger sans puissance. Every power that was in Christ will be found in your ministry. Toute puissance qui se trouvait en Christ se trouvera dans votre ministère. When you lay your hands on the sick, they shall be healed. Quand vous imposez les mains sur les malades, ils seront guéris. And riches. La richesse. Your ministry, your church in Bobo Dioulasso. Votre ministère, votre église à Bobo Dioulasso will have riches. Sera riche. Riches to build cathedrals. La richesse pour bâtir des cathédrales. And Bishop told us that is, you see, the purpose for the riches is for the ministry work. L'évêque a dit que l'objectif de cette richesse, c'est pour l'œuvre du ministère. It's not for someone to make a name. Ce n'est pas pour que quelqu'un se fasse pour lui-même un nom. That is the future you are going to have. Ça, c'est votre avenir. Your ministry. Votre ministère. I saw somebody's car park. J'ai vu le parking de quelqu'un. And there were many buses on the car park. Il y avait beaucoup de bus sur le parking. You will buy buses to carry your members. Vous allez acheter des bus pour transporter vos membres. Your thousands of members will come to church on buses. Les milliers de fidèles viendront à l'église dans les bus. But your own Land Cruiser is also parked somewhere. Mais votre Land Cruiser est garé receive dans it in le the parking. Name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together for Acclamons Jesus. Acclamons le Seigneur. Are you ready for what God has for Est-ce us que tonight? Vous êtes prêts pour ce que Bishop Dieu a pour is vous? In the house. L'évêque est dans la maison. Clap your hands. Acclamez. Hallelujah.